Ravi d'être avec vous. Une nouvelle semaine se termine dans quelques instants. Mais pour l'heure, on souhaite une bonne fête à Ingrid. Unanimité des élus du Congrès. Si le calendrier est respecté au 1er juillet 2018, 6 taxes vont donc disparaître, ainsi qu'une partie de la patente, et seule la taxe générale à la consommation va les remplacer. L'hécatombe sur nos routes n'en finit pas. Deux personnes ont péri dans un accident de la route hier matin. Ça s'est passé à proximité de la tribu d'Ounia sur la commune de Yaté. Justin Guillemard, haute figure de la brousse calédonienne et ex-élu au Congrès, s'est éteint hier matin. Le salon de la mer et du bateau ouvre aujourd'hui, organisé par la Maison des Artisans. Ce rendez-vous est devenu incontournable, que l'on soit passionné ou simple ou curieux. Le week-end s'annonce festif à Nouméa. Le MOU va ouvrir ses portes ce soir à partir de 20h pour la 10e édition de son festival annuel, le Mix Move Festival, et c'est aussi le début du festival One Dance au centre culturel Chibaou. Ce jeudi matin, un fort tremblement de terre de magnitude 7,1 a frappé la Nouvelle-Zélande. L'épicentre était situé à 130 km au nord-est de la région de Te Aroha sur l'île du Nord. Cette région est fort heureusement peu peuplée. Et puis après la réélection contestée du président Ali Bongo, le Gabon s'est réveillé effaré jeudi après une nuit d'émeutes et de cris. Enfin, une fusée Falcon 9 de SpaceX a explosé sur son pâtir jeudi au centre spatial Kennedy au Cap Canaveral en Floride lors d'un test de ses moteurs. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Païta et Point Bout. Et on va souhaiter un joyeux anniversaire à Creator. Merci Delphine, 30 ans, et c'est l'occasion tout au long de la journée de vous faire des cadeaux magnifiques et superbes. Restez bien à l'écoute puisque on va vous gâter. Creator est avec nous, et puis on aura une date dans l'histoire. Nous serons le 2 septembre 1969, juste après Selena Gomez. éphéméride d'énergie, c'est un jour, un événement. 2 septembre 1969, le premier dès la fin de l'année 69. Énergie, 6h07. Énergie, Nouvelle-Calédonie. 93.5. Jusqu'au 18 septembre, c'est l'anniversaire Bricorama Dressing Module Kit. Au magasin Jiffy Ville et Jiffy Ducos et participez au tirage au sort pour rembourser vos achats. Voir conditions en magasin. Jiffy, des idées de génie. La station de Port-la-Guerre, vous connaissez? Qu'est-ce qu'une station en Nouvelle-Calédonie? Et Charbray, Bramane, Suffolk, c'est quoi? Les réponses sont à la station de Port-la-Guerre. Elle vous ouvre ses portes le samedi 3 septembre de 8h à midi. C'est à Païta, juste avant la montée du col de la pirogue sur la gauche. Toute la matinée, le personnel de la station vous accueille pour vous faire visiter cette ferme méconnue à deux pas de Nouméa. Venez en famille, c'est gratuit et vous allez être épatés. Les portes ouvertes de la station de Port-la-Guerre de la province sud, c'est samedi 3 septembre de 8h à midi. C'est gratuit et ça, c'est une découverte. T'es passionné de foot ou de futsal? Ça y est, le complexe du soccer NC ouvre ses portes le 10 septembre en partenariat avec Énergie. À cette occasion, le soccer NC t'offre un voyage pour l'IFU pour deux personnes avec deux nuits au Tamanu Beach à la tribu de Mou. Deux petits déjeuners, le transfert aller-retour d'une valeur de 73 050 francs. Alors tente ta chance, envoie soccer au 41 et gagne un voyage pour l'IFU pour deux personnes. Tirage au sort du gagnant vendredi 9 septembre à 14h. Envoie soccer au 41. 360 euros le SMS. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. L'info en Nouvelle-Calédonie, en France et dans le reste du monde, c'est dans le journal de la mi-journée. Retrouvez le journal de la mi-journée à 10h, 11h et 11h30. L'info sur Énergie, c'est avec Chic, la mode de qualité qui habille toute la famille à petit prix. Du lundi au vendredi, en quelques minutes, l'actualité locale, nationale et internationale. C'est trois rendez-vous quotidiens sur Énergie à 10h, 11h et 11h30. L'info de la mi-journée, c'est avec Chic, 16 rue Anatole France et c'est sur Énergie. Nouvelle-Calédonie. J'écoute Énergie partout. Énergie. It's music only. Hey, little kid, did you wake up late one day and you're not so young, but you're still dumb and you're numb to your glory, but now it's gone. I fell in love, but it didn't catch your fall. Then I crashed to a wall. Then I fell to pieces on the floor. Now you're sick to death. Bombs away, it goes health and the shouting's over. Hey, it's dead. Bombs away. Was old enough to know better than I was, too young to care, but who cares? Probably would, but Hollywood is dead and gone. You fell in love, but then you just fell apart. Like a kick in the head, you're an ex-kid and you never even got started again. Control. Did you wake up late one day and you're not so young, but you're still dumb, you're an ex-kid and you never even got started again. Bombs away, it goes nothing, the shining's over, ex-kid. Bombs away, it goes nothing, the shining's over, ex-kid. Bombs away, it goes nothing, the shining's over, ex-kid. Bombs away, it goes nothing, the shining's over now, over now, over and over now. Et elle est traditionnellement fixée le premier samedi du mois de septembre. Au commencement étaient les Vikings. Et oui, on fait remonter l'idée de la journée de la barbe aux Vikings danois, barbus dont le jour de fête remonterait aux alentours de l'an 800 après Jésus-Christ. Si vous êtes féru d'histoire, eh bien vous savez que c'est l'année du couronnement de Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie. Mais oui, les manifestations sont les plus diverses. Par exemple, dans le sud de l'Espagne, on célèbre la... Tu cherches un bateau ou tu veux équiper ton bateau? Pense Speed Marine, membre du réseau Acastillage Diffusion à Nouville-Plaisance et sur Facebook Acastillage Diffusion NC. Le Ciné-City présente Nerve. Bienvenue à Nerve, un jeu comme Vérité ou Conséquence sans la vérité. Les voyeurs paient pour regarder, les joueurs jouent pour gagner argent et gloire. Êtes-vous un voyeur ou un joueur? C'est cool, non? Je trouve que ça a l'air louche. Est-ce que c'est légal? Tu profites pas de la vie. Hey, de quoi tu parles? Je prends des risques. Ok, tu vas jouer à Nerve. Nerve, actuellement au cinéma. Ciné-City, projecteur d'émotions. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Jusqu'au 18 septembre, on est si bien dehors avec Monsieur Bricolage, Ducos et Kenuin. Arroseur auxiliant Polo 90 à 220 mètres carrés, Gardena, longueur arrosage réglable en continu de 7 mètres à 17 mètres, largeur 13 mètres, 2690 francs. Monsieur Bricolage, Ducos et Kenuin. On peut compter sur lui. Deux magasins plus proches de chez vous. Ça y est, le complexe de Soccer NC ouvre ses portes le 7 septembre en partenariat avec Energy. T'es un passionné de foot ou de futsal? Le soccer est fait pour toi. Pendant 3 jours, c'est free. Du 7 au 9 septembre, monte ton équipe de 5 personnes maximum et découvre gratuitement pour 30 minutes le revêtement spécialement conçu pour le soccer des terrains indoor et outdoor. Entre deux matchs, fais une pause au clubhouse dans une ambiance sportive et conviviale. Le complexe de Soccer NC sera ouvert 7 jours sur 7 à Ducos, 3 jours d'entrée gratuite du 7 au 9 septembre. Toutes les infos et le plan d'accès sur Facebook Soccer NC Ducos. Réservation au 94 68 69. Au revoir, Mel Gibson au 41. Mais non, c'est pas Mel Gibson qu'il faut envoyer, c'est Melbourne. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Envoie Melbourne au 411. Énergie t'offre un aller-retour pour deux personnes pour Melbourne. Validité 6 mois. Envoie Melbourne au 411. Et pour 368 francs, gagne un cadeau de 145 600 francs. Envoie Melbourne au 411. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Tirage sort le vendredi 30 septembre à midi en direct sur Énergie. Le bulletin météo d'Énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre. Vivez votre aventure. Le point avec Météo France. Ce matin, le soleil domine sur l'ouest, sur les autres régions. Des paquets nuageux circulent en donnant quelques ondées sur l'est et les Loyautés notamment. Ils se morcellent progressivement au cours de journée et les éclaircies s'élargissent. Au cours de l'après-midi, sur l'ouest, le soleil est parfois contrarié par des nuages venus de la chaîne. Ailleurs, les éclaircies alternent avec quelques passages nuageux, parfois porteurs d'averses. Le vent d'est se maintient entre 15 et 20 nœuds, localement 20 nœuds avec des rafales à 30 nœuds sur la pointe nord. Sur la côte ouest, le vent s'oriente nord-est à est-nord-est, pardon, à nord-est, entre 10 et 15 nœuds pour des températures qui sont comprises entre 23 et 26 degrés, voire 27 sur le nord-ouest. Le temps de votre week-end, samedi, la journée est généralement bien ensoleillée, avec un temps de temps en temps de passage nuageux et une courte averse sur le sud et l'est. Le vent d'est souffle généralement entre 15 et 20 nœuds. Dimanche, le temps est bien ensoleillé sur la côte ouest, même si quelques débordements nuageux sont possibles l'après-midi. Ailleurs, belles éclaircies et nuages portés par l'Alizé vont alterner. Le vent pour dimanche, il est toujours orienté au secteur est et souffle autour de 15 nœuds. 6h21, dans 2 secondes, c'est Mika sur Énergie. Qu'importe l'endroit et le contexte, on a toujours un bon prétexte pour tomber nos foot of the loom. Quand toi et moi, on fait boum boum boum. Quand t'es pas là, je fais n'importe quoi. Je prends les kilos des tequila. Je chante tes chansons d'Oum Kalsoum. Je ne pense qu'à nos boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi, on fait boum boum boum. Ta mère, elle a failli tomber par terre en entrant dans le dressing room. Quand toi et moi on faisait boum boum boum. Dans des ascenseurs des hôtels, on s'est monté au 7e ciel. On envoie balader les grooms. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Soit des invités, on ne sait même pas résister. Entre le deal et le coup, il y a le temps de faire boum boum boum. C'est vrai que les murs ont des oreilles, que tous les voisins se réveillent. Mais c'est comme ça qu'on fait l'amour. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Boum boum boum. En plus ça fait toujours deux. De plus ça fait tout ce qu'on veut. C'est comme les coups de Brahim Asloum. Toi plus moi ça fait boum boum boum. Pas la peine d'aller cavaler. Y'a que ça qui me fait voyager. Pas les cocotiers de Toulon. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Se met comme ça. Thank you. People waste their prayer and without caring what they say. Lord, they don't know you yet. They are allowed to die. In them, I can find a solution. Carte Parc de Nakutakoin fête ses 10 ans et si toi et tes potes vous avez envie, vous avez plus de 16 ans et surtout vous rêvez de représenter Énergie pour participer à la grande course d'endurance de 5 heures du 17 septembre, eh bien il suffit de constituer une équipe de 5 à 8 pilotes et de gagner l'inscription d'une valeur de 75 000 francs en envoyant Carte Énergie au 41 368 francs le SMS. Le tirage au sort ce sera le lundi 12 septembre à 14h. Faites vibrer les moteurs, envoyez les gaz et représentez Énergie, Carte Énergie au 41 Énergie, les 6h30. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. La TGC adoptée, les débats n'ont pas été si houleux que ça. La loi instaurant la taxe générale à la consommation a donc été votée hier à l'unanimité des élus du Congrès. Cette loi, on le rappelle, vient réformer en profondeur la fiscalité indirecte en Calédonie et donc le fonctionnement de son économie. Elle institue l'équivalent d'une TVA. Alors si le calendrier est respecté, au 1er juillet 2018, 6 taxes vont disparaître, ainsi qu'une partie de la patente et seule la taxe générale général à la consommation va les remplacer. À noter qu'initialement 3 taux étaient prévus, mais à la suite du vote dans des amendements, il y en aura 4 qui seront véritablement fixés lors de vote d'une délibération par le Congrès dans les prochaines semaines. L'hécatombe sur nos routes n'en finit pas. 2 personnes ont péri dans un accident de la route hier matin, hier vers 5h30, à proximité de la tribu d'Ounia sur la commune de Yaté. Le conducteur d'un pick-up a perdu le contrôle de son véhicule lancé à trop grande vitesse à la sortie d'un radier. Après avoir percuté une buse en béton, le véhicule s'est renversé et s'est immobilisé sur le toit. Le conducteur ainsi que le passager avant sont décédés. Les deux hommes, Livaï Digoué et Alain Tara, originaire de Yaté, étaient tous deux âgés de 20 ans. Un troisième homme, le passager arrière, a été éjecté de l'habitacle au moment du choc contre la buse. Il s'en sort miraculeusement avec de légères blessures. Il rentrait d'une fête. Le salon de la mer et du bateau ouvre aujourd'hui. Ils sont tous là, constructeurs et marchands de bateaux, spécialistes de la cassillage, mais aussi de la pêche, de la plongée et des sports nautiques en général. Jusqu'à dimanche soir, tous les spécialistes sont donc réunis sur le quai des volontaires à Nouméa pour le 6e salon de la mer et du bateau. Et puis ce jeudi matin, fort tremblement de terre d'une magnitude 7,1 a frappé la Nouvelle-Zélande. Des répliques de magnitude 5,6 et 4,6 ont été enregistrées. L'épicentre était situé à 130 km au nord-est de la région de Te Arawa sur l'île du Nord. Cette région est fort heureusement peu peuplée. Le tremblement de terre se serait produit à 55 km de profondeur, une profondeur suffisante pour qu'il n'y ait pas de tsunami. Enfin, au Gabon, après la réélection contestée du président Ali Bongo, le pays s'est réveillé effaré jeudi après une nuit d'émeutes et de cris. Selon des témoins, la capitale Libreville est marquée par les stigmates des violences, les rues jonchées de carcasses de voitures brûlées et de boutiques pillées. Les forces de l'ordre quadrillent la ville, armes visibles filtrant les rares voitures et les passants plus rares encore. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Fado gentleman, I'm a fado gentleman, I'm a fado gentleman. Alanga mola, we mikuneya hanen goji. Alanga mola, we sekuneya hanen goji. Alanga mola, bali bali waso nali ne. Bato fado gentleman. Bato fado gentleman. I'm a bato fado gentleman. gentleman. Gentlemen. Le Morning Energy. Avec Matériau Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Dans un instant, l'horoscope. Mais auparavant, on joue. Cette semaine, Creator fête ses 30 ans. Bon anniversaire ! Et c'est 30% sur tout le magasin. Mais c'est aussi 7 superbes lots à gagner aujourd'hui sur Energy. Tu envoies Creator au 3511. 231, prends le SMS. Et oui, jouez maintenant, envoyez Creator au 3511 et vous participerez au tirage au sort de 7h10. Je ferai un tirage au sort parmi les SMS portant le nom Creator qui seront arrivés à la radio d'ici là. Je vous offrirai la montre Elite, un sac Elite et la paire de lunettes et les porte-clés Elite pour une valeur de 20 000 francs. Alors, ce cadeau, c'est pour vous. Creator fête ses 30 ans cette semaine et ses 30 ans sur tout le magasin. J'ai bien dit sur tout le magasin. Et oui, et c'est aussi sur l'antenne 7 superbes lots à gagner aujourd'hui sur Énergie. Créateur fête ses 30 ans et sur Énergie, c'est des cadeaux toute la journée. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, bon vendredi 2 septembre, l'horoscope des béliers, les astres font régner une bonne ambiance, ils vous encouragent à relancer le dialogue. Taureau, la journée promet d'être passionnelle, vous aurez droit à de jolies surprises amoureuses. Gémeaux, si l'été n'a pas été aussi festif que vous l'auriez voulu, vous vous rattraperez sans plus attendre avec vos amis ce week-end. Cancer, que vous soyez célibataire ou bien en couple, Vénus ne sera pas tendre avec vous. Lion, si vous avez un beau projet à réaliser, concentrez-vous sur cela au lieu de vous dépenser au gré de vos pulsions. Vierge, la vague de romantisme qui déferle dans votre quotidien va emporter tous les doutes que vous aviez. Balance, vous aurez du mal à communiquer vos émotions aux autres. Ceux qui vous entourent ne seront pas particulièrement patients avec vous. Scorpion, une bonne étoile au-dessus de votre tête et tout redevient plus clair, plus fluide, moins compliqué. Sagittaire, la famille sera placée au premier rang. Tout le monde sera là pour vous réconforter. Capricorne, vous pourriez souffrir temporairement de fatigue, le contre-coup de la rentrée. Verseau, c'est vendredi, vous ne résistez pas à l'appel d'une soirée festive avec vos proches et les poissons en couple. Vous êtes sur votre petit nuage, vous espérez que rien ne vienne vous contrarier. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre. Centre-ville, Port-Plaisance et Belleville. Pill to swallow. make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. Got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. On va vous parler du prénom Ingrid dans un instant. Auparavant, on va voir avec Delphine ce qui fera la une de notre édition de 7h. Si tu veux bien, Delphine, absorbez pas dans son édition. Alors. Je suis en train de préparer l'insolite de tout à l'heure. Non, mais bien sûr, à la une, on va parler de la TGC qui a été adoptée hier à la quasi-unanimité au Congrès. Voilà, on voit ça dès 7h. Et puis, je repars sur mon insolite pour bien la préparer. Ok, au revoir. Au revoir. Elle est partie. Oh, bah, il nous reste Ingrid. Ah, bah, ça va alors. Ça nous vient du germanique Ing, qui compose le prénom. Et c'est le nom d'une divinité païenne. Et Rig, qui peut être interprété au sens de cavalier. Alors, au niveau du caractère, ça nous donne Ingrid qui est discrète et quelque peu étrange, enveloppée d'une aura de mystère, probablement en raison de son apparente froideur. Apparente, mais oui. Alors, question popularité, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, c'est la meilleure année, c'était 1976, avec 1720 naissances d'Ingrid cette année-là. En 2013, 23 filles ont reçu ce prénom, et puis à l'âge moyen d'Ingrid à l'heure actuelle est de 36 ans. Cette semaine, Creator fête ses 30 ans. Et c'est 30% sur tout le magasin. Mais c'est aussi 7 superbes lots à gagner aujourd'hui sur Énergie. Tu envoies Creator au 3511 231 francs le SMS. Et le cadeau de ce matin, ce sera sous le signe du glamour avec la marque Elite. Il y aura une montre, un sac, une paire de lunettes Elite, également le porte-clés, le tout d'une valeur de 20 000 francs. Ce lot, c'est pour vous, mesdames, messieurs. Vous pouvez jouer aussi, bien évidemment, pour faire des cadeaux. Tout le monde joue, faites les 30 ans de Creator. Envoyez Creator au 3511 231 francs le SMS. C'est à 7h10 que je ferai le tirage au sort parmi les SMS. Et notez que cette semaine, Creator fête ses 30 ans et c'est donc 30% sur tout le magasin. Énergie Nouméa 93.5. TV. Attention, ceci est un message de votre magazine Coco TV. Aujourd'hui vendredi, retrouvez avec les nouvelles calédoniennes votre magazine télé préféré Coco TV. Au programme, découvrez les nouveautés sur NC Première, l'actu série avec la saison 7 de Walking Dead, également votre rubrique balade spéciale Île de Marais. Alors n'oubliez pas, Coco TV c'est aujourd'hui vendredi avec les nouvelles calédoniennes. Chic, les nouveautés sont arrivées chez Chouchous. Découvrez en exclusivité les chaussures Star Wars chez Chouchous. Chouchous, rue Sébastopol, une nouvelle sur Pouf et sur Facebook. Vous cherchez la cuisine de vos rêves adaptée à votre budget ? La solution, c'est Cuisine Plus chez Socaport. Large choix de coloris et matières avec une qualité franco-allemande. Rendez-vous à l'espace Cuisine Plus pour un devis gratuit chez Socaport Plexus, à Ducos et sur Facebook. Socaport, donnez un sens à votre décor. Le 05 34 34, c'est le numéro vert d'énergie et c'est gratuit. Avec Olala, pour le plaisir de séduire, mettez plus de sensualité dans votre vie. Olala, votre love shop sur Lansvata. Info route, besoin d'un renseignement, d'intervenir à l'antenne, de râler, de nous aimer? Composez le 05 34 34, le numéro gratuit d'énergie. Plus la peine de vous tracasser sur la durée de votre appel. Le 05 34 34, c'est gratuit. Grâce à qui? Olala, conseil et discrétion à votre portée sur www.olala.nc pour le plaisir de séduire. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie. C'est de la bombe. Énergie, music only. Music only. Salut, it's Red One. It's Mr. Lover, yeah. Na na na na, ooh na na na. Woo. Enrique and Baby Sereya. Wide awake, wake, wake till 6 a.m. Time to work. Let me make you come again. Do it, yeah. Keep it hush, hush, hush, don't tell no one. Undercover, Mr. Lover, yeah. Got enough, enough, enough to turn you on. Squeeze your tight, cause I promise if you let me go, I'ma do you right. Hey. If you let me in, I won't let you out my sight. You're sweeter than a honeycomb. Girl, I wanna be the man to take you home. I will listen, tell me anything you like. Hope you keep your body running till I daylight. There was nowhere else to go. to know that these are the days that bind you together forever, and these little things define you forever. Avec un Coca-Cola bien frais, savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Savoure l'instant. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Énergie, il est 7h. Tiens, dans 2 heures, on ouvrira le salon de la mer et du bateau. Bonne fête à Ingrid. Et attention pour Créator, quelques instants encore. Créator au 3511. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Feu vert du congrès pour la TGC, puis un puissant séisme a été ressenti au large de la Nouvelle-Zélande. Enfin, le Gabon s'embrase après la réélection contestée du président Bongo. Nous sommes le vendredi 2 septembre, c'est Delphine Escanas qui m'a préparé cette édition. Bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. La TGC a donc été adoptée. Les débats n'ont pas été si houleux que ça. La loi instaurant la TGC, la taxe générale à la consommation, a été votée hier à l'unanimité des élus du congrès. Cette loi vient réformer en profondeur la fiscalité indirecte en Calédonie et donc le fonctionnement de son économie. Elle institue donc l'équivalent d'une TVA qui va remplacer pas moins de 7 taxes et contributions existantes. Si le calendrier est respecté au 1er juillet 2018, 6 taxes vont donc disparaître ainsi qu'une partie de la patente et seule la taxe générale à la consommation va les remplacer. Alors initialement, 3 taux étaient prévus, mais voilà, à la suite du vote dans des amendements, il y en aura 4 qui seront véritablement fixés lors du vote d'une délibération par le Congrès dans les prochaines semaines. un taux réduit envisagé à 3%, un taux normal à 11% et un taux supérieur à 22%, auquel s'ajouterait un taux d'équilibre pour les services. Autre aménagement important du texte initial, le démarrage de la marche à blanc, donc avec des taux très très réduits. Il ne se fera pas au 1er janvier 2017, mais plutôt au 1er avril de cette même année. L'hécatombe sur nos routes n'en finit pas. Deux personnes ont péri dans un accident de la route hier matin. Vers 5h30, à proximité de la tribu d'Ougna, sur la commune de Yatté, le conducteur d'un pick-up a perdu le contrôle de son véhicule, lancé à trop grande vitesse à la sortie d'un radier après avoir percuté une buse en béton. Le véhicule s'est renversé et s'est immobilisé sur le toit. Le conducteur ainsi que son passager sont décédés. Les deux hommes, Livaï Digoué et Alain Tara, originaires de Yatté, étaient tous deux âgés de 20 ans. Un troisième homme, le passager arrière, a été éjecté de l'habitacle au moment du choc contre la buse. Ils s'en sortent miraculeusement avec de légères blessures. Tous trois rentraient d'une fête. Justin Guimard s'est éteint hier. Haute figure de la brousse calédonienne, cet ex-élu du Congrès avait défendu ses convictions parfois radicales pendant deux décennies avant de se retirer de la vie publique il y a quelques années. Le salon de la mer et du bateau ouvre aujourd'hui. Et ils sont tous là, constructeurs et marchands de bateaux, spécialistes de l'accastillage, mais aussi de la pêche, de la plongée et des sports nautiques en général. Jusqu'à dimanche soir, tous ces spécialistes sont réunis sur le quai des volontaires à Nouméa pour le 6e salon de la mer et du bateau. Organisé par la Maison des Artisans, ce rendez-vous est devenu incontournable, que l'on soit passionné ou simple curieux. Et le week-end s'annonce festif à Nouméa. Le MOVE va ouvrir ses portes ce soir à partir de 20h pour la 10e édition de son festival annuel. Initialement nomade, il s'appelle cette année Mix MOVE Festival. Explication et présentation du programme par Christophe Ventoum, directeur de la structure de Rivière-Salée. On l'a rebaptisé Mix MOVE pour coller davantage à l'esprit, c'est-à-dire celui de mélanger les styles de musique pour mélanger les publics. À l'affiche, il y aura donc Julia Paul du rock, il y aura également Chavi du reggae, du raga, du rap, Ticia, donc davantage sur un répertoire folk, pop, également océanien, et en clôture avec Ekoten, funk, chap, reggae. Voilà, donc on a essayé de mélanger un petit peu les styles présents un petit peu sur le territoire, en plus qui est de la bonne musique sur scène. Voilà, il y a aussi une dimension qui est de permettre aux gens de pouvoir se rencontrer, partager autour de la musique. Et c'est aussi le début du festival One Dance au Centre Culturel Tiba, où l'événement s'ouvrira ce soir jusqu'au 18 septembre. On écoute Hassan Jouloué, le responsable du département spectacle. One qui veut dire langue Utmawap racine, et un jeu de mots en anglais pour dire une danse, One Dance. On aura l'occasion de découvrir différents spectacles par week-end. Donc le premier week-end, on aura l'occasion d'accueillir Génération Hip-Hop, coordonnée par la compagnie Moebius. Et Génération Hip-Hop qui est apportée par différents danseurs de différents groupes du pays. L'objectif premier de ce festival, c'est cette année, c'est surtout c'est vraiment avoir une ouverture et avoir une connaissance de la danse à l'échelle régionale. Voir son évolution dans l'art contemporain, ça donne tout son sens au One Dance. C'était donc Hassan Rouloué, le responsable département spectacle. Les premiers spectacles se dérouleront les premiers 2, 3 et 4 septembre à 19h salle Sicia. Pour l'occasion, le Centre Culturel Tibaou compile les petites vidéos de danse sur la page Facebook du One Dance Festival. Vous y trouverez toutes les infos. Dans le reste de l'actualité, un puissant séisme a eu lieu au large de la Nouvelle-Zélande. Et hier, un fort tremblement de terre d'une magnitude 7,1. Il a frappé la Nouvelle-Zélande. Des répliques de magnitude 5,6 et 4,6 ont été enregistrées par les sismographes dans les minutes qui ont suivi la première secousse. L'épicentre était situé à 130 km au nord-est de la région de Te Araroa sur l'île du Nord. Cette région est fort heureusement peu peuplée. Le tremblement de terre se serait produit à 55 km de profondeur, une profondeur du coup suffisante pour qu'il n'y ait pas de tsunami selon le National Tsunami Warning Center américain. La défense civile néo-zélandaise a toutefois conseillé aux habitants de s'éloigner des côtes. Aucune information ne fait encore état de victimes ou encore d'éventuels dégâts matériels. Le Gabon est au bord de l'embrasement. Après la réélection contestée du président Ali Bongo, le Gabon s'est réveillé effaré jeudi après une nuit d'émeutes et de cris. Selon des témoins, la capitale Libreville est marquée par les stigmates des violences, les rues jonchées de carcasses de voitures brûlées, de boutiques pillées. Les forces de l'ordre quadrillent la ville, armes visibles, filtrant les rares voitures et les passants plus rares encore. D'après la police et plusieurs opposants, des rixes étaient encore en cours dans plusieurs quartiers populaires de la capitale dans la journée, malgré ce déploiement. Explosion d'une fusée SpaceX sur son pas de tir en Floride. Une fusée Falcon 9 de SpaceX a explosé sur son pas de tir jeudi au centre spatial Kennedy au Cap Canaveral en Floride lors d'un des tests de ses moteurs. Le lanceur et son satellite ont été détruits. Il n'y a aucun blessé. Falcon devait en fait lancer le satellite israélien de communication Amos 6 tôt vendredi. Il s'agit quand même du deuxième accident pour SpaceX dont la fusée Falcon 9 avait explosé déjà le 28 juin 2015, peu après le lancement de son vaisseau en route pour une mission d'approvisionnement de la Station Spatiale Internationale. Et on termine avec l'info insolite. C'est un Québécois, un père de famille qui a posté une petite annonce très originale afin de vendre sa Mercedes sur Internet. Voilà, il disserte avec humour les options de sa voiture et sur le changement de vie que le véhicule procurera à son heureux acheteur. Voilà un petit peu le teasing et le début de l'annonce. Vos enfants arrivent en retard à l'école ? Vous voulez une voiture sport, votre femme veut une voiture ergonomique, sécuritaire et pratique pour la famille. Vous êtes sur le point de flancher et d'acheter un minivan avec l'option volant sport branche gainée de cuir parce que vous dites, bah, j'achèterai une 911 rouge lorsque mes enfants partiront. Non, dit-il, les enfants aiment rester. Parfois, ils restent pour toujours. Et si partout, tôt, oubliez la 911, vous croyez qu'ils vont se démerder pour payer leur loyer, leurs études et leur voyage? Non, c'est vous qui allez payer alors. Vous n'allez pas pouvoir vous payer la 900. Arrêtez de procrastiner, la vie c'est maintenant et faites quelque chose pour vous que vous pourriez regretter. Alors voilà, il t'explique après que toutes les options, je ne te les détaille pas, tout le monde va l'adorer sauf votre voisin parce qu'il va être jaloux. Dites non au minivan donc en faisant sourire votre femme parce que votre femme va l'adorer, vos enfants vont l'adorer. Ouais. Et à la fin, bon, qui te met le prix, qui te dit que c'est pas négociable parce que ça va très bien avec les petits arbres qu'il vient de planter. Il dit pas de vente en Côte d'Ivoire pour un prince milliardaire qui veut payer par PayPal car il est trop occupé pour voir la voiture. Hein. Ne me faites pas perdre mon temps parce que mes enfants, j'aime bien passer mon temps justement avec ma voiture à chanter la mélodie du bonheur avec ma famille. C'est un homme épanoui. Ouais. On ne sait pas pourquoi il la vend finalement. Ouais. Ça donne envie en tout cas. Voilà, beaucoup d'humour. Ça fait le. Allez partager cette annonce. Je pense qu'il veut payer les études de ses enfants, lui. Peut-être. Il veut s'acheter un minivan. Énergie, 7h08. Bon, on fera pas de van hein, là-dessus. Non. Même pas des mini. Non. Eh ben voilà, pas de minivan. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. Il va y avoir le jeu Créator, le tirage au sort. On le fait maintenant, c'est la fin des appels. Juste après l'écran pub qui va arriver, on aura le gagnant à l'antenne pour un cadeau d'une valeur de 20 000 francs. A tout de suite les gâtés. Énergie Nouméa. 93.5. L'apprentissage est pour la messager. Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage est, moi la messager. Le Festival Culture et Nature, les couleurs de Deva, est de retour les samedis 17 et dimanche 18 septembre. Plus d'informations sur province-sud.nc. www.a5.nc, le site de référence de la location de véhicules. Moins 10% si vous payez en ligne sur a5.nc. Connexion Internet, fax et scan, cyber.nc. Imprimante, reliure et plastification, cyber.nc. L'écrivain public qui vous aide à rédiger vos courriers, lettres de motivation et CV. Ça, c'est signé cyber.nc. Cyber.nc, le cyber qui t'accompagne, derrière le musée de la ville. Envoie Mel Gibson au 41. Mais non, c'est pas Mel Gibson qu'il faut envoyer, c'est Melbourne. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Envoie Melbourne au 411. Énergie t'offre un aller-retour pour deux personnes pour Melbourne. Validité 6 mois. Envoie Melbourne au 411. Et pour 368 francs, gagne un cadeau de 145 600 francs. Envoie Melbourne au 411. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Tirage au sort le vendredi 30 septembre à midi en direct sur Énergie. Bleu Piscine, c'est 16 ans d'expérience dans la construction, la vente, l'entretien et la maintenance de piscine. Bleu Piscine, Disrupez Latent à Ducos, c'est tout l'univers de la piscine. 41 42 10. Être au cœur de l'action, sublimer les émotions, aller au-delà de l'imagination, vivre de nouvelles sensations, c'est maintenant possible au Cinécity. Ouvrez grand vos yeux. Le cinéma en 3D. www.mangemieuxbougeplus.nc. Ceci est un message de l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Cette semaine, Créator fête ses 30 ans. Bon anniversaire ! Et c'est 30% sur tout le magasin. Mais c'est aussi 7 superbes lots à gagner aujourd'hui sur Énergie. Tu envoies Créator au 3511 231 francs le SMS. Et c'est l'heure du tirage gagnant. Ah, mais j'entends que déjà ça sonne. Bravo la technique, on est rapide. Ravi de t'offrir ce cadeau d'une valeur de 20 000 francs, mais avant, il va y avoir une formalité. C'est une question. Mm-hmm. Et oui. Alors, pour fêter cet anniversaire, Créator nous a préparé un questionnaire. Pour le plaisir, pour s'amuser, c'est pour le fun. Et voici une question, et il y a quatre propositions. Qui était là en premier, la perle ou l'huître? Alors, proposition numéro 1, A, la perle. Proposition B, l'huître. Proposition, Créator avait décidé de te faire gagner, Céline, bravo. Alors, le lot que tu gagnes, c'est quoi? Eh bien, c'est Elite, hein. Tu sais, c'est toute la gamme glamour. C'est la montre, le sac, la paire de lunettes et le porte-clés Elite, le tout d'une valeur de 20 000 francs. Ben voilà, ah ouais, parfait. C'est très gentil. Ah ouais, ouais, c'est bien. Merci à toi d'avoir envoyé ce SMS. Qu'est-ce que tu faisais? Le magasin, bravo. Merci, Céline, d'avoir joué avec nous. Merci, et puis bonjour à tout le monde. Et oui, et bon anniversaire à Créator, bien sûr. Hein. Ah, aussi, oui, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà, je vais t'expliquer comment récupérer ce cadeau. On te souhaite une belle journée, un bon week-end. Merci, à vous aussi. Cette semaine, Créator fête ses 30 ans. Et c'est 30% sur tout le magasin. Mais c'est aussi 7 superbes lots à gagner. De coups de rein, de coups de foudre métallique. deux semaines, rendez-vous dans le Morning d'Énergie. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Une info média avec Selena Gomez demain et faire de mon possible pour être au mieux. Je sais que je ne suis pas la seule et j'espère que d'autres vont être encouragés à se confronter à leurs problèmes. Il est précisé que cet arrêt est momentané et n'est absolument pas dû à l'alcool ou à un abus de substances illicites. Selena Gomez a annoncé l'an dernier souffrir d'un lupus. L'ex-petite amie de Justin Bieber devrait... Déco, l'univers de la beauté. De 10h à 17h, plus de 20 stands seront sur place. Découvrez les dernières tendances et testez les massages et soins de beauté gratuitement accompagnés de nombreuses animations. Alors, rendez-vous ce samedi à l'hôtel du Quendo Beach. Plus d'infos sur Facebook, la lingerie de la reine. Du 2 au 4 septembre, venez découvrir le 6e Salon de la mer et du bateau au Quai des Volontaires. Bateau, moteur, remorque, accastillage, mais aussi la pêche, la plongée, les loisirs. Le Salon de la mer et du... Ça y est, le complexe de Soccer NC ouvre ses portes le 7 septembre en partenariat avec Énergie. T'es un passionné de foot ou de futsal? Le soccer est fait pour toi. Pendant 3 jours, c'est free. Du 7 au 9 septembre, monte ton équipe de 5 personnes maximum et découvre gratuitement pour 30 minutes le revêtement spécialement conçu pour le soccer des terrains indoor et outdoor. Entre deux... Superbe lot à gagner aujourd'hui sur Énergie. Tu envoies Creator au 3511, 231 francs le SMS. Si la chance est avec toi, l'animateur t'appelle et c'est gagné pour un superbe lot Creator. La montre élite. Le sac élite. Que zondé sur l'Est et les loyautés, notamment. Il se morcelle progressivement au cours de matinée, les éclaircies s'élargissent. Cet après-midi sur l'Ouest, le soleil est parfois contrarié par des nuages venus de la chaîne. Ailleurs, les éclaircies alternent avec quelques passages nuageux, parfois porteurs d'averses. Le vent se maintient entre 15 et 20 nœuds, localement 20 nœuds, avec des rafales à 30 nœuds sur la pointe nord. Sur l'Ouest, il s'oriente est-nord-est à nord-est, entre 10 et 15 nœuds. Nous aurons des températures maximales comprises entre 23 et 26 degrés. Rapidement demain, la journée est généralement bien ensoleillée avec de temps en temps des passages nuageux et une courte averse sur le sud et l'est. La météo, c'est 3 rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, oh. Come as we are.

Détendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis du lundi au samedi. Et ce vendredi, on peut se faire plaisir avec un petit croissant, un petit déj. Oh, ce serait pas mal, là. Garçon, s'il vous plaît, je voudrais un café crème avec deux croissants. Je m'excuse, monsieur, nous n'avons plus du tout de croissants. Oh, ben ça fait rien, alors je vais prendre autre chose. Ça fait rien, on a tellement d'ennuis entre nous, hein. Chacun dans sa vie privée, on n'a que des soucis, alors on va pas s'en faire entre nous. Vous avez qu'à me donner un café nature, alors. Café nature, avec deux croissants. Monsieur, je m'excuse, je me suis peut-être mal exprimé. Je vous dis que les croissants, nous n'en avons plus. On n'a plus du tout de croissants. Ah voilà, là ça change tout. Si on n'a plus, je ne peux pas en avoir. Forcément, ben, ça ne fait rien, je vais prendre d'autres choses. Alors, je vais prendre n'importe quoi. Du lait. Vous avez du lait? Eh bien, donnez-moi dans une tasse de lait. Avec deux croissants. Ça va pas, vous êtes un peu fatigué ou non? Je vous dis que les croissants, nous n'en avons plus. C'est ce que c'est que les croissants? Les croissants, c'est fini. Des bretzels, des brioches, oui, les croissants, non. Faut pas vous énerver pour ça. Mais ça fait rien. Écoutez, je suis pas le client embêtant, je vais vous dire, donnez-moi ce que vous voulez. Je peux pas mieux vous dire. Du thé, du chocolat, vous avez du chocolat au lait, même petit tas de chocolat au lait, là. Avec deux croissants. Dites-donc, vous en avez pour longtemps embêté ce garçon? Je vous connais pas, vous. Moi, je suis client, monsieur. Je suis comme vous. J'étais derrière la colonne. Vous m'avez peut-être pas vu, mais moi, je vous ai entendu. Vous êtes pas malade, non? Qu'est-ce qui vous prend d'embêter ce garçon? Mais taisez-vous! Laissez-moi vous dire, monsieur, que vous avez de la chance d'avoir affaire à un garçon qui a de la patience. Parce que moi, garçon, si j'avais été à votre place, il y a longtemps que j'aurais pris les deux croissants, je les aurais foutus sur la gueule. Du délire et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls. Way before the party, turned up hotel lobby, fast life like a Ducati, spending money like I'm from Saudi, bagging bitches with the bad bodies, semi-cooling with the black Barbies, I got brain cause she a smarty, and now I'm feeling like la-di-da-di. Hey. Wait a second, wait a minute, I don't think you're ready for it. And I ain't even paying for it. Woo! Any second, any minute, we about to see the course. The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls, girls. And the girls wanna play with girls, boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this girl? The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls, girls. And the girls wanna play with girls, boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this world? Stop and we don't quit. In the club like we the shoe. Two more, legit. Up in this bitch and we so lit. Oh my God, oh my goodness. Feel good cause I'm sipping on good shit. Two drinks, got two fists. Three chicks, got two, four, six cheers. Wait a second, wait a minute. Take it to the next level. Turn up the bass. Turn up the track treble. Party like an animal. Party like a minute, we about to get in trouble. The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls, girls. And the girls wanna play with girls, boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this girl? The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls, girls. And the girls wanna play with girls, boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this world? Oh, that's all I won't do. Drink up more, drink two. Repeat like it's deja vu. Stay lit, that's so hot, got a wonderful view. I stay so fly, I flew. Yeah, baby, no lie, that's true. Yeah, baby, I'm cool like, woo. Damn, baby, I'm cool like, woo. Yeah. The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls, and the girls wanna play with girls. Boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this girl? The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls, and the girls wanna play with girls. Boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this girl? Chanteur de cinéma, elle est loin l'époque où je rêvais de devenir une star. Maintenant je mets des gifs et puis je me barre. Viens donc faire un tour chez WAM, là où les flots s'entassent. Rock'n'roll, fun, crap, soul, j'apprends sur le tas. Jamais content, ça me saoule, faut que je me surpasse. 3-4 mélo, clac, boum, un attentat. Vu comme un immigré du Congo, les bureaucrates m'ont tourné le dos. L'injustice me netto, la force d'aller plus haut. Tu veux la clé des hits, demande, demande. T'inquiète pas pour l'inspi, c'est sûr qu'au monde, je prendrai mon avenir en main. Tu perds. La scène, je me battre dans ma life. Je me battre dans ma life. Je me battre dans ma life. Tu perso, la scène, je me battre dans ma life. Je me battre dans ma life. Je me battre dans ma life. Tu perso, la scène. C'est depuis mon départ et jusqu'à ce que je m'en aille, j'avancerai plus qu'il le faut. Tu perso, la scène, sans retenir sur mes pas et jusqu'à ce que je m'en aille. J'avancerai plus qu'il le faut, j'ai les épaules pour. Viendrez vous tous à la rescousse si j'appelle au score. Mais gars n'étaient pas toujours là lorsque j'avais la corde au cou. Beaucoup d'entre eux ont fait des faux sourds. Des rappeurs ne m'arrivent que difficilement aux genoux. Tu fais le grand frère MC, mais quand on croise t'es grave cool. Je sais qu'à ce jour tout ce que j'aime devient casse-couille. Tout ce que j'avais ne sera jamais remplacé par le tout que Dieu pardonne mes péchés. L'argent est plus facile que la vérité à encaisser. Tout serait plus facile si j'étais fils de parents aisés. J'irai du berceau jusqu'au nacelle à bord d'un féfé. J'approche de la mort à chaque fois que je dors. Mon frère t'inquiète pas, je ne prête pas, je te donne. J'écarte les os, t'as direct dans le décor, car je me battrai dans ma life du perso. La scène, je me battrai dans ma life. Ouh, je me battrai dans ma life. Ouh, je me battrai dans ma life. Du perso, la scène, je me battrai dans ma life. Ouh, je me battrai dans ma life. Ouh, je me battrai dans ma life. Du perso, la scène. Les mains. Je me battrai dans ma life. Je me battrai dans ma life. Je me battrai. Vous écoutez Energy. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28-04-04. L'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est l'ami des picots. Ramco, de nouveau disponible chez Alto Marine. Nous avons rendez-vous avec les célébrités et vous dire que c'est l'anniversaire aujourd'hui de l'acteur et réalisateur Dominique Farrugia. Il a 54 ans, Farrugia. Alors, il tourne actuellement une comédie avec Gilles Lelouch et Louise Bourgoin. Le titre, c'est Sous le même toit. On l'a vu également avec Cyril Hanouna pour le retour sur Canal de la grosse émission, la très grosse émission. Actuellement en tournage pour le film Replica, c'est l'acteur Ken Reeves qui a 52 ans. Et puis 50 ans pour l'actrice Salma Hayek. Elle s'est récemment d'ailleurs moquée de l'ambiance dans les stades de foot en France. Elle est mariée avec l'homme d'affaires François-Henri Pinault. À suivre sur Énergie, Van der Kroet, qu'est-ce qu'il va nous dire et bien pourquoi et quelle est l'origine du mot France. Et ensuite, le caféine, ce sera servi par Karen. C'était l'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est du costaud. Ramco chez Alto Marine, Nouvelle Plaisance ou Facebook Ramco NC. Énergie, Nouvelle-Calédonie. Identification. 93.5. Optique 2000, le meilleur choix pour vos lunettes sur www.optique2000.nc. Optique 2000. Nouvelle vision de la vie. Body Action, nutrition sportive, matériel de remise en forme, fitness et accessoires. Faites-vous conseiller par Body Action. Toutes les infos sur Facebook. Body Action, le seul spécialiste de la forme depuis 28 ans. Et si je veux un échafaudage? Et si je veux une échelle? Et si je veux des outils de maçon? Et si je veux... Eh bien justement, chez Gédimat, on a bien écouté tout ce que vous vouliez et on a décidé de mieux vous servir. Outillage, échelle et échafaudage. Gédimat, des fondations aux finitions. Gédimat, c'est deux magasins, Nouméa et Conné, ou sur www.gedimat.fr. Toi aussi, tu as l'esprit glisse, défie les éléments lors de la Bluescope Race. En windsurf, kitesurf, paddle, vara, kayak, dériveur ou habitable. Participe le 18 septembre à l'événement phare de la glisse calédonienne, la traversée du Faramédé à la plage de Lanzvata. Surf sur notre site www.ang.nc ou like la page Facebook Bluescope Race et inscris-toi sur étiquette. La Bluescope Race, un événement ASPTT Nouméa Glisse avec la participation du Maridé, Vive, OPT, Lagoon, Total, Excellium, Aloha, Bluescope et Énergie. Une idée de sortie pour ce dimanche? Venez profiter de la place des cocotiers de 9h à 18h pour les dimanches en mode doux. Et rendez-vous à 17h pour le concert. Retrouvez tout le programme des animations sur Nouméa.nc. Ville de Nouméa. Partageons l'événement! 5, 6, 7, 8. Radio Station. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, it's music only. La minute du professeur Van der Kroet, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socapor, donnez un sens à votre décor. Les questions existentielles du professeur Van der Kroet. Quelle est l'origine du mot France? Oui, c'est vrai, le nom de notre pays n'a pas toujours été la France. Qu'est-ce qu'on avait avant, stagiaire Bernardin? J'ai la Gaule, professeur. Distingué, ça. Ouais. Très distingué. Mais pour une fois, vous avez raison, mon petit. La France est bel et bien née de la débandade de la Gaule. Distingué, ça, très, hein. La France est un jeune pays. C'est au 5e siècle que Francs et Alamans arrivent par le nord-est du pays. Ils foulent ce territoire appelé Francia et largement squatté par les Romains. Je vais te passer ça au carrefour, moi. Lui ? C'est Clovis, ouais. Roi des Francs. Épaulé par la puissante église, il décide de chasser ce petit monde hors de nos frontières, ce qui lui vaudra de la part de Saint-Louis le surnom de... Rex Francis. Merci, mais j'aime pas trop Rex. Ça fait trop chien. Philippe Auguste est d'accord avec toi, Clo-Clo. Lui qui hérite de ce titre de Rex Francis finit par le changer en France en 1190. Ce terme ne désigne alors qu'un territoire géographique, mais un siècle plus tard, il englobe la notion de France, territoire politique. Alors oui, je le dit. Merci Philippe Auguste. Sans vous, nous serions certainement passés à côté de quelques merveilles musicales. Douce France, ah. Cher pays de mon... mon enfant. Ah, Charles traînait des pieds. Il est un coin de France. Luis Mariano. Où le bonheur fleurit. Alors, elle est pas belle, ma France. Et alors, elle est pas belle, ma Gaule. Distingué, ça. Distingué. Vous saurez tout dans la minute du professeur Vanderkroot. Avec Cuisine Plus, chez Socapor Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. Living dangerously. Hide me. but you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Whoa. Un grand beau soleil pour fêter l'ouverture du salon de la mer du bateau, par exemple, qui ouvre ses portes dans une heure à la maison des artisans. Bonne fête à Ingrid dans ce vendredi de septembre. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Il est 8h dans la radio, c'est l'heure de l'info. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. La loi instaurant la taxe générale à la consommation, la TGC, a été votée hier à l'unanimité des élus du Congrès. L'hécatombe sur nos routes n'en finit pas. Deux personnes ont péri dans un accident de la route hier matin à proximité de la tribu d'Ounia sur la commune de Yaté. Justin Guillemard, haute figure de la brousse calédonienne et ex-élu du Congrès, s'est éteint hier matin. Le salon de la mer et du bateau ouvre aujourd'hui, organisé par la Maison des Artisans. Ce rendez-vous est devenu incontournable, que l'on soit passionné ou simple curieux. Et puis le week-end s'annonce festif à Nouméa. Le MOU va ouvrir ses portes ce soir à partir de 20h pour la 10e édition de son festival annuel, le Mix MOU Festival. Et c'est aussi le début du festival One Dance au centre culturel Tibau. Et puis hier, un fort tremblement de terre d'une magnitude 7,1 a frappé la Nouvelle-Zélande. Cette région est dans une région fort heureusement peu peuplée. L'épicentre a été situé à 130 km au nord-est de la région Te Araroa sur l'île du Nord. Après la réélection contestée du président Ali Bongo, le Gabon s'est réveillé effaré jeudi après une nuit d'émeutes et de cris. Enfin, une fusée Falcon 9 de SpaceX a explosé sur son pas de tir jeudi 1er septembre au centre spatial Kennedy en Floride lors d'un test de ses moteurs. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. Allez, ce sera moins ardu qu'hier, moins de noms compliqués de footballeurs. On débute par les matchs amicaux des Bleus. Et oui, près de deux mois après sa défaite en finale de l'Euro, l'équipe de France a pris sa revanche ce matin. Elle vient de l'emporter face à l'Italie 1-3. Nous avons aussi la finale de la Coupe de la Ligue qui change de stade. Et pour la première fois depuis 1998 et la victoire du PSG contre Bordeaux, la finale de la Coupe de la Ligue ne sera pas organisée au Stade de France. La Ligue professionnelle de foot a annoncé que l'épilogue de l'édition 2016-2017 se déroulera à Lyon au Parc OL et ça sera le 1er avril. Un grand nom de la Formule 1 prend sa retraite. Felipe Massa, 35 ans, a officialisé à Monza sa retraite à la fin de la saison en cours. Le Brésilien, vice-champion du monde en 2008, a remporté Ses 11 victoires avec Ferrari et signé 16 pole positions depuis ses débuts chez Sauber, c'était en 2002. Oui, le pole dance, on verra plus tard. Un mot sur l'US Open. Et Nicolas Mahut s'est donc qualifié pour le troisième tour en battant son compatriote Paul-Henri Mathieu en trois manches. Dominateur, Mahut a semblé un contrôle permanent sur la rencontre. L'Angevin rencontrera le vainqueur de Kei Nishikori, Karen Khachanov, ça sera au troisième tour. Le carré croit qu'on lui parlait. Ligue de Diamant, la Villeni prend sa revanche sur Thiago Braz. Et oui, dominé, rappelez-vous, par Thiago Braz à Rio. Renaud Lavilloni l'a cette fois-ci emporté contre le Brésilien lors du meeting de Zurich, partageant la première place avec l'Américain Sam Hendricks grâce à un saut de 5,90 m. Lavilloni s'adjuge donc une 7e Ligue de Diamant, devenant le seul athlète à remporter l'épreuve à chaque édition depuis sa création en 2010. Finalement, c'était pas aussi simple que ça, le sport. Karen Khachanov, c'est à toi. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Dans le caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec Fitzone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos sur Facebook. Karen Lavilloni, ça la vilaine. Ça sonne pas si mal que ça, non? Mais c'est parfait. Oh bah oui, moi je me dis, moi j'aime bien les sauts à la perche. Je suis très extensible. Alors, bonjour, c'est vendredi. Devinez quoi, on va gagner des cadeaux aujourd'hui avec Créator qui fête ses 30 ans. Oui, joyeux anniversaire. Mais bravo. T'as vu, je chante bien. Moi je vais venir pour les gâteaux et les... Ah, je croyais que tu voulais me faire du vent pour mon brushing. Non. D'accord. Bon, pas de brushing à gagner aujourd'hui avec Créator. Mais si tu envoies Créator au 3511 pour 231 francs le SMS, tu vas peut-être gagner autre chose. Qu'est-ce que tu vas gagner? Une montre Elite, un sac Elite, une paire de lunettes Elite et le porte-clés Elite modèle d'une valeur de 20 000 francs. En envoyant un SMS de 231 francs. Alors, voilà, avec Elite, tout le monde peut être un top modèle. Et avec Créator, tout le monde peut être belle. Car oui, tu es belle tous les jours, Delphine. Mais si tu n'as pas ta parure de bijoux Créator, tu es moche. C'est comme ça. Sympa, le compliment. Mal. Ça fait un jour qu'elle est revenue. Moi, je suis en forme. Je vois tous ces gens gagner des beaux cadeaux. Ça me motive un peu. C'est pas grave. Dans Music News, aujourd'hui, on va parler de Dua Lipa, qui a 21 ans et beaucoup de talent à revendre. Ellie Goulding aussi chante pour la BO de Bridget Jones's Baby, le film qu'on attend avec impatience, nous, toutes les célibatantes. Ça va? Hein, voilà. On va débuter avec Bush. Le titre, c'est The Sound of Winter, le son de l'hiver. Mais vu qu'il y a du soleil aujourd'hui, je pense que l'été arrive à grands pas, n'est-ce pas, JP? Mais oui, on l'entend. Tu voulais dire quelque chose? Oh, rien du tout. Tu seras au salon du bateau? Oui. Sur le yacht? Eh yes. Et fait combien de mètres? Il le fait sans beaucoup. Il fait, oh, il y a un gros yacht à visiter, celui de l'Entrecasteau d'ailleurs. Bon, ben je viendrai alors, ouais. J'arrive. Merci JP. Ils sont tous au garde à bout, ils t'attendent. Ah. jusqu'au 2 septembre. Sur Énergie, joue avec Ariel et gagne un an de lessive. Envoie Ariel au 3511. 231 francs le SMS. Et si on t'appelle, c'est gagné. 10 lots sont à gagner, chaque lot d'une valeur de 12 505 francs, soit un an de lessive. Ariel, 3 en 1 pods. Nettoie, enlève les taches et donne de l'éclat. Ariel, la nouvelle génération de lessive, 3 compartiments pour une performance de lavage optimale. Gagne un an de lessive tous les jours sur Énergie. Votre quotidien. Les Nouvelles-Calédoniennes organisent son 4e forum de l'immobilier du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2016.